scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrez, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1966, quatrième émission. 1966, une année qui, de l'avis général, se déroula très chronologiquement et que pourtant nous allons revisiter dans le désordre, effectuant des sauts dans le temps et dans l'espace qui nous en empêcheraient. Un peu d'Italie, un peu d'Angleterre, un peu de Las Vegas, un peu de Pente et de montée de Montmartre et de Montparnasse, des buts de Chaumont et de Belleville. Le col du télégraphe n'est pas si facile à franchir. Un peu d'Asie du Sud-Est et puis quelques chroniques cinématographiques. Aussi bien un film, une plaidoirie pour la régulation des naissances, qu'une comédie à l'humour noir, aussi bien un western italien, l'expression western spaghetti n'a pas encore surgi, qu'un divertissement familial réunissant deux grands comiques quittant l'un l'Opéra de Paris, l'autre son activité de peintre en bâtiment pour vadrouiller dans la France occupée. Sachez aussi qu'en 1966, une autre star se mariera, pour la troisième fois certes, mais l'intérêt de la presse pour ce genre d'événement ne se tarit pas. Au contraire, la répétition fait l'information. En attendant ces noces, partons quelques instants pour l'Italie, en compagnie de France Culture. Un universitaire italien, milanais, spécialiste du langage, nous attend et saura nous dire à quoi ressemblait Milan en 1966. France Culture vous invite à écouter « Soirées internationales ». État présent de la vie intellectuelle dans le monde. Aujourd'hui, les Italies, par François Valle et René Jantet. Une fois, j'écris dans un petit bouquin de canular, Diario Minimo, une interprétation ethnologique de la ville de Milan vue par un sauvage de la Mélanésie. Et le sauvage relevait et qu'il y avait une espèce de névrose du corps social milanais par lequel on pouvait dire que le but principal de mystérieux maître de la ville, c'était de poser tous les citoyens dans une situation d'étrangeté, de dépaysement continuel. Comme ça, même le système de barrage de maisons s'est organisé de façon qu'à Milan, il n'y ait pas de contact entre les citoyens. C'est pour ça que les Milanais travaillent, n'ont rien d'autre à faire. Ils sont désespérés. Est-ce qu'on peut se mettre aux fenêtres à Milan? Non, absolument. À Milan, on ne se met pas aux fenêtres. On ne se met pas même dans la rue. À Milan, on se renferme chez soi, en essayant de prendre contact avec le reste du monde par téléphone. Vous habitez Umberto Eco, une maison qui, je crois, vous ressemble. Elle vous ressemble par ses facettes, par son esprit et, au bout du compte, par son unité. Je pense d'avoir une maison très classique, quand même qui reflète une situation d'un classicisme contemporain. Il y a des livres qui composent de configurations très géométriques. Il y a des murailles tout à fait blanches et avec des tableaux très signifiants parce qu'ils ne sont pas figuratifs. Il y a du pop, de l'op, si vous voulez, et des choses semblables. Alors, il y a une certaine variété de formes, mais si vous voulez, une unité de goût, que c'est une unité générationnelle. Je crois que le peintre représenté dans ma maison ne vont pas au-delà de 40 ans. Pourquoi? Parce que les autres ne doivent pas exister? Non, parce qu'ils ne mettent pas leur tableau, les autres. J'ai devant moi, dans un cadre peint d'or, rehaussé d'or, une espèce de lune ovale, dorée aussi, mais en relief, avec une tranche rouge, et, je ne sais pas, deux petits bonshommes qui ressemblent d'ailleurs à des binocles. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce sont des lorgnettes parce que c'est un portrait. C'est un portrait d'un jeune peintre napolitain qui s'appelle Stefanucci et qui a intitulé le portrait, un napolitain, Anteritratto o bello, c'est-à-dire pas le portrait du beau, mais le pré-portrait du beau. Vous voyez, ce peintre, Stefanucci, travaille en volant dans les vieilles églises de Naples tout le matériel liturgique qu'il peut trouver, des vieux chasubles et après des dentelles et des trucs comme ça. Et il travaille en assemblant ce matériel pour composer ses portraits imaginaires. C'est-à-dire qu'il essaye de rejoindre le maximum de modernité en ironisant continuellement d'une façon critique, mais quand même affectueuse sur son passé. Je pourrais dire peut-être que je l'aime parce que ça ressemble un peu à mon histoire culturelle, c'est-à-dire un côté de moi qui est tourné vers le Moyen-Âge et l'autre côté vers la modernité, l'art contemporain, l'avant-garde et tout ça. Alors le tableau se pose exactement au milieu d'une chambre qui met dans une même ligne dans la librairie le texte de Raymond Lull ou d'Albert Legrand et de l'autre côté les textes de Joyce, de Rob Grier, de Soler. Et ces objets de verre qui ressemblent à d'énormes verres à dégustation de bons crus en France, alors, ou un attirail de chimiste. Voilà, cet attirail de chimiste, ça sert à attraper les mouches. On l'emploie dans les campagnes italiennes du Nord. Dans ce surconvolution du verre, on met de l'eau avec du savon et du sucre sur ses bords. Les mouches arrivent, mangent le sucre et tombent dans les coulisses là-bas et meurent dans l'eau et savon. Ça a été séparé de son contexte habituel, inséré dans un autre contexte, et ça est devenu, comme vous croyez avant, un instrument pour alchimiste. Il y a Lévi-Strauss, dans les entretiens avec Charbonnier, qui a théorisé une situation semblable. Soirées internationales, les Italies, par René Jantet et François Val, avec Umberto Eco, première diffusion sur France Culture le 12 mars 1966. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Et en Angleterre, que se passe-t-il en Angleterre? Pour le savoir, il faut écouter l'invité d'Interactualité le 26 octobre 1966. Sinon, l'Angleterre tout entière, du moins une certaine idée d'une certaine Angleterre nous est livrée. Nous avons le plaisir aujourd'hui, au micro d'Interactualité, de recevoir la duchesse de Bedford, Sophie Duboulin. Oui, la duchesse de Bedford est aujourd'hui à Paris l'ambassadeur extraordinaire, en quelque sorte, de sa gracieuse majesté britannique. Et cet ambassadeur, qui nous vient de l'autre côté de la mer, est française, puisque vous vous appeliez, il y a quelques années encore, Nicole Millinaire. Exactement. Et nous avons tous vu à ce moment-là, au moment de votre mariage, vos portraits, vos photos. Et je puis dire que vous êtes aussi charmante qu'on l'avait deviné au moment de votre mariage. Oui. Si vous êtes à Paris aujourd'hui, madame, c'est un petit peu pour rencontrer les journalistes. Oui. Eh bien, je suis venue dire aux Français, aux journalistes plus particulièrement, que l'Angleterre, c'était très bien. J'imagine que vous devez commencer à le savoir, parce que... On en parle beaucoup. Vous avez l'anglomania en France. Ah, oui. Mais enfin, je voudrais mettre des points plus précis, parce que quand je suis partie en Angleterre, j'ai eu, si vous voulez, les mêmes ennuis que tous les Français qui vont à l'étranger et qui sont désorganisés. Les Français ne sont jamais organisés, c'est exact. Ils ne vont jamais dans une agence de voyage. Ils ne s'organisent jamais pour réserver un hôtel ou rien faire du tout. Alors, quand vous arrivez, vous êtes perdu et vous rouspétez. Il faut donc s'organiser quand vous partez en Angleterre. C'est rien du tout. Ou vous prenez une heure d'avion, vous traversez la Manche. Ça, c'est sans problème du tout. Le temps. On parle beaucoup du temps en Angleterre. Le temps, c'est la même chose qu'à Paris, c'est exactement la même chose. Il fait beau quand il fait beau, il pleut quand il pleut. Donc, c'est sans problème. Voilà donc qu'il ne pleut plus à Londres maintenant. Ah, c'est si, vraiment si. L'Angleterre new look, n'est-ce pas ? Écoutez, regardez, vous voyez un très joli Sandton, un joli... Oui, c'est la Côte d'Azur. Pas du tout, ça c'est dans mon jardin, assise. J'ai déjeuné tous les jours du mois de septembre sur ma terrasse. Est-ce que vous pouvez en dire autant ? Ah non, non, je m'incline. Non, ah oui, ça, eh bien, tous les jours, alors vous voyez, non, non, non. Oui, mais on attaque aussi beaucoup la cuisine anglaise. La cuisine anglaise est maintenant conquise par tous les Anglais qui vont voyager beaucoup à l'extérieur de l'Angleterre et qui reviennent avec des goûts très déterminés quant à la qualité. On mange très bien en Angleterre. Et vous pouvez faire la même chose que moi. C'est une révolution, alors. Oui, ça, c'est une révolution. Alors, très nettement, parce qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas. Et dans les dix dernières années, alors maintenant, c'est vraiment très, très bien. Est-ce que vous voulez que je vous donne, pour les Français, un détail plus précis? Parce qu'en France, évidemment, tout le monde connaît les guides touristiques, mais en Angleterre, on ne les connaît pas. Je vais tout de suite vous dire, je n'ai rien à voir du tout avec ce livre, mais si vous arrivez en Angleterre et que vous munissez d'un livre qui s'appelle Egon René, eh bien, vous êtes sûr que quand il vous dit « les murs sont crasseux, mais on mange très bien », c'est exactement ça. Et quand il vous dit « c'est un très joli petit manoir Tudor, mais mangez du poulet froid et de la salade », vous faites exactement ce qu'il vous dit. Vous savez, il y a une page au début avec des étoiles, et vous faites les 5 km nécessaires en dehors de la route. Évitez les grandes villes. On mange mal dans les grandes villes. Je ne sais pas pourquoi. Ça, ce n'est pas encore au point. J'imagine que c'est parce que ce n'est pas fait d'une manière... Il y a beaucoup de grandes villes en Angleterre. Oui, mais avant les grandes villes, vous avez beaucoup de villages. Oui. Et nous sommes très curieux un peu de cette jeunesse anglaise qui nous envoie sa musique, qui nous envoie ses pièces de théâtre, et des pièces de théâtre qui nous étonnent. Supérieures. Et qui nous envoie... Ses cheveux longs, ses mini-jupes. Voilà, cheveux longs et mini-jupes. Parlez-nous un peu de cette Angleterre nouvelle. Eh bien, j'ai été très étonnée de voir qu'à Paris, toutes les filles avaient des jupes jusqu'aux genoux. Parce qu'en Angleterre, ça fait déjà 2 ans qu'on voit ces très jolies fleurs qui sont sur tige. Les Anglaises sont bâties avec des jambes très longues et pas de hanches. Alors, vous avez ces longues jambes qui sont jamais avec des bas normaux, c'est toujours rose, vert, bleu, blanc, avec des trous-trous, avec des fleurs, etc. Et en haut de ça, vous avez généralement des mini-jupes vert pomme, avec des carreaux, avec des ronds, avec des triangles. Et moi, je suis tellement habituée, c'est toujours comme ça à la maison tous les week-ends. J'ai 7 enfants, ils amènent toujours tout, 2 ou 3 amis, alors il y a toujours 25 de cet âge à la maison tous les week-ends. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu l'impression d'arriver dans un endroit complètement vieillot et démodé et déçué. C'est très extraordinaire. Mais évidemment, les Français sont jaloux. Alors, non. Ils veulent pas montrer soit les jambes de leur fille, soit les jambes de leur femme. J'imagine que ça doit être Je crois qu'ils y viennent. Et puis, quand on met sur chevelu, c'est raisonnable. Moi, aussi. Je trouve ça joli aussi. Ça dépend. Si vous avez un monsieur avec des cheveux raies et des gras ailés, c'est pas très joli. Mais j'ai 2 fils. Il y en a un aîné qui est du genre très respectable. Il a les cheveux courts, bien coupés. Puis alors, j'en ai un second. Qui est du genre plutôt, vous savez, le David avec une belle tête romaine. Et il a des cheveux bouclés, très serrés, très épais. Et je veux dire que c'est assez long dans le cou. Et bien, c'est très joli. Un jour, il y avait le mariage de son frère, alors il les avait coupés, il était affreux. On était tellement habitués au côté long. Non, moi je trouve ça plutôt bien, les cheveux longs, c'est joli. Et que disent les parents? Que disent les parents anglais? Complètement ancienne génération. Complètement admis, c'est complètement normal. On n'y pense pas. C'est aussi simple que ça. On n'y pense pas. Voudriez-vous, avant de nous quitter, nous dire un petit mot aussi de la maison que vous habitez à Paris? Vous étiez comme toutes les Parisiennes dans un appartement. Et puis maintenant, vous êtes dans un endroit assez extraordinaire. C'est très simple. Avant d'être duchesse, je vivais comme une duchesse. Maintenant que je suis duchesse, je vis comme une dame qui travaille beaucoup. J'ai 32 salons et j'ai jamais le temps de m'asseoir. Et puis votre château, le château de Woburn Abbey, est ouvert au public aussi. Eh bien voilà, en Angleterre, vous avez 599 maisons ouvertes au public, toutes plus belles les unes que les autres. Et je crois, je ne suis pas sûre des chiffres, mais je crois qu'il y en a encore 350 habitées par leurs propriétaires. Alors vous devrez rencontrer dans les couloirs des chiens, des plateaux de thé, la dame de la maison avec son tricot. Vous comprenez, il y a un côté habité. Chez moi, il y a des fleurs partout dans toutes les pièces. Il y a des magazines. Mais vous avez donné enfants, le signal de cette Angleterre New Look. Le premier qui a ouvert. Votre château, votre parc, etc. Le premier qui a ouvert, c'est Lord Bath. Il a eu en 1946, je crois que c'est 6 milliards d'impôts à payer, de droits de succession après la mort de son père. Et mon mari, en 1953, a eu 8 milliards. Alors 8 milliards, ça fait tout de même beaucoup. Il a donc vendu pas mal de terres, il a ouvert sa maison, et puis il s'est pris de passion pour restaurer. Son grand-père avait dit, après moi, le déluge, personne ne vivra jamais dans cette maison. Et il n'avait jamais fait aucun travaux. Alors vous aviez les Rembrandts qui étaient là, couverts de poussière, vous aviez les meubles signés qui venaient de Versailles, qui tremblaient sur leurs jambes, etc., etc. Alors on a restauré, tous les plafonds sont dorés, on a restauré tous les plafonds, on a repeint toute la maison, on a restauré tous les meubles, tous les tableaux. Il y a 8 milliards donc de collections, puisque c'est l'impôt que qui est basé sur la collection, 8 milliards d'impôts, 8 milliards d'objets d'art dans la maison. C'est très grand, c'est très beau, c'est ouvert toute l'année au public. Mais je vous dis, toutes ces maisons sont extraordinaires. On est à une heure de Londres, donc on est extrêmement privilégiés. Vous allez sur l'autoroute, puis vous voyez Woburn, vous tournez à gauche, vous êtes à Woburn Abbey. Vous pouvez venir nous voir tous les jours. Mais ce n'est pas gênant d'avoir tant de monde chez soi? Mais non, ce n'est pas gênant. Pour une... c'est d'abord, c'est très grand, c'est immensément grand. Et puis, c'est en nu. Alors le public rentre d'un côté, je rentre de l'autre. Et si je n'ouvre pas une porte, je ne les rencontre jamais. Mais actuellement, ils sont très très gentils. On ouvre la porte et tout le monde vous dit merci, puis ils vous disent comme votre maison est propre, comme il y a des jolies fleurs, etc. C'est agréable pour une maîtresse de maison. Oui, c'est très agréable. Mais avant de rentrer chez vous, madame, vous allez partir pour Lyon, où il y a en ce moment ce que l'on appelle la semaine britannique. Alors ça, c'est une grande semaine qui vous concerne. Et la semaine britannique, il paraît que ça marche très très bien. C'est évidemment pour faire connaître les produits français, les produits anglais aux Français. Et oui. À Lyon, il va y avoir un grand concours pour les jeunes. C'est cela. Et les 12 manières d'employer son temps. Les jeunes Français devront dire, je vous aide un petit peu, oui, parce que je crois, oui, que vous n'avez pas toutes les données du concours en tête. Les jeunes Français devront indiquer quelles sont à leurs yeux les 12 façons de passer les meilleures vacances en Angleterre. Voilà. Alors en Angleterre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer au golf. On peut jouer au golf. On peut aller dans une famille et être au pair. On peut visiter les îles Shetland. On peut être aussi serveur de restaurant pour pouvoir visiter le pays. Voilà. Alors tout cela se passe pendant la semaine britannique. Alors un slogan, passez vos vacances en Angleterre. Voilà. Madame, je vous remercie. Merci, monsieur. Et en France, et à Paris, Paris intramuros, sait-on encore se divertir, partir à l'aventure, explorer des quartiers exotiques, grimper les cols? Réponse, le 28 mars 1966, dans Rendez-vous à 5 heures. Comment vous m'avez dit pour démarrer? Nous sommes quelquefois obligés de donner l'antenne dans cette émission à nos amis sportifs. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, puisque Paul Laporte a suivi un rallye extrêmement important dont il doit nous parler. Oui, c'est un sujet évidemment beaucoup plus austère, beaucoup plus sérieux que ceux que nous avons abordés depuis le début de cette émission. Paul, vous êtes tout bronzé, puisque vous venez de participer au rallye des Cimes. Rallye des Cimes parisien. Parisien. Combien de kilomètres? C'est un rallye automobile. Rallye automobile. Oui, c'est ce qu'on a cru entendre et tout à l'heure. Effectivement, et d'une longueur quand même, à peu près 45 km. Et il faut dire quand même qu'aujourd'hui, nous avons bénéficié de conditions atmosphériques relativement difficiles, puisque les concurrents ont dû affronter des bourrasques de neige fondue. Voyez-vous, ce n'est quand même idéal. Il y avait de la gelée blanche, je crois, à Montmartre ce matin. Oui, au sommet du col du Télégraphe, il y avait vraiment du... On peut le dire, une petite gelée blanche, et vous le savez, le col du Télégraphe, les concurrents du Tour de France le connaissent dans le cadre du Tour de France cycliste, et là, à Paris, en plein Paris, nous l'avons découvert, et ce, presque à la fin mars, franchement, c'était une vision dantesque. Hein. Franchement, tout le monde mérite un grand coup de chapeau pour ce rallye. Vous êtes parti d'où, en réalité? De la Porte Dauphine. Oui. À 10h15, départ théorique, et à 10h45, départ réel, c'est un peu normal, c'était un rallye féminin. Ah oui, il y avait que des femmes. Hein? Alors, des femmes, combien et vous de concurrentes? Concurrentes, 18 concurrentes exactement, réparties dans 9 voitures prêtées par la régie Renault qui, elle, lançait son rallye des Cimes, ainsi que France Decaux qui était la grande animatrice de ce rallye. Et les équipages se composaient de 2 personnes, c'est normal, un pilote et un navigateur. Le pilote, en général, c'était soit un mannequin, soit une de nos consoeurs journalistes dans un magazine féminin. Et elles se partageaient la tâche, une conduisait, l'autre naviguait. Et je crois que le spectacle était assez insolite dans Paris de voir des jeunes femmes à la recherche, le nez levé, soit pour vérifier le feu rouge, ou alors tout simplement pour regarder la carte et essayer de se repérer dans Paris. Car finalement, on s'aperçoit que beaucoup de Parisiens savent se diriger dans Paris, mais beaucoup ne savent pas l'emplacement exact. Et je crois, aujourd'hui, nous avons vécu une très bonne journée derrière une voiture très intéressante, vraiment passionnante. Et vous avez découvert que dans Paris, il y avait des Cimes. Des Cimes, oui, exactement. Et nous avons eu quelques escales assez remarquables et très bien organisées, d'ailleurs. Un petit, vous voyez, petit buffet pour permettre aux concurrentes de reprendre des forces. Et je crois que c'était très bien fait. La première, mais quelle Cimes? Hein? De quelle Cime est-ce? Ah, quelle Cime est-ce? Bien sûr, très bien joué là. Alors nous avons Montparnasse dans l'Orne, Montsouris, là, l'escale était très bonne. Ensuite, l'attaque du col du Télégraphe, dans très raide. Et alors au milieu des camions, alors là c'était sensationnel. Ça donnait lieu à quelques quiproquos avec des camionneurs qui vraiment avaient une certaine teneur. Et ensuite, eh bien, l'arrivée, on peut le dire, au restaurant Les Buts de Chaumont, et alors là, c'était fini, on prenait le classement officiel, tout dans les règles de l'art. Pas trop dépaysé. Non, absolument pas. En plus, vous avez respiré le bon air des montagnes. Oui, on s'est mis à l'abri quand il pleuvait un peu trop, mais enfin, de toute façon, on a sacrifié à l'éternel féminin, l'élégance n'a pas perdu ses droits, et ces dames au volant ont confirmé leur adresse, alors je crois que tout le monde était gagnant. Un rallye très réussi, donc. Oui, et les organisateurs se félicitent du résultat du premier, et naturellement, ils ont tous dit à l'année prochaine. Et en France, et à Paris, Paris intramuros, sait-on encore se divertir, partir à l'aventure, explorer des quartiers exotiques, grimper les cols ? Réponse, le 28 mars 1966, dans Rendez-vous à 5h. On ne peut pas toujours se contenter de reportages en ville. Parfois, il faut explorer l'âme humaine, ne pas hésiter à se lancer dans de grandes et essentielles enquêtes, révéler les chagrins, voire les tentatives de suicide des vedettes, et puis les régimes alimentaires des stars, les enfants cachés des uns et des autres, etc. Pour cela, il faut une presse libre et indépendante. Le 25 mars 1966, l'émission Recherche de notre temps a pour sujet le talent et le métier de journaliste. France Culture présente Recherche de notre temps. Recherche de notre temps. Paroles et pages quotidiennes. Une suite d'émissions composées par Robert Valette et Harold Portnoy. Robert Higgins, qui est directeur de France Dimanche, justifie ainsi son métier. C'est beaucoup plus pénible pour le journaliste que pour n'importe qui d'autre, parce qu'un journaliste est par essence un homme sensible. Sans ça, les choses ne l'intéresseraient pas. Il faut qu'il soit très ouvert, très sensible. Par conséquent, souvent, il tombe sur des drames. Oui, c'est ça. Mais les raconter, vous savez, c'est normal qu'on les raconte. Ces choses-là doivent se savoir. Si vous voulez, parfois, la vérité se justifie dans certains cas moins que d'autres. Mais si vous la limitez dans un cas, vous risquez de la limiter dans d'autres. Oui, c'est alors... justement, ça doit être difficile de savoir jusqu'où il faut aller et jusqu'où il faut, où il faut s'arrêter quand même. Non, on le sait très bien. C'est son public qui vous décide, ça, vous savez. Il faut bien le dire une chose, on ne parlerait pas de crime si les gens n'estimaient pas qu'au fond, ils avaient le droit de le savoir. Si jamais il y avait un crime dans votre maison, est-ce que vous estimeriez pas qu'il est absolument justifié que vous sachiez comment ce crime s'est produit ? Oui. Enfin, ma curiosité serait éveillée. Non, mais enfin, c'est normal. Les hommes vivent en société, donc ce qu'ils font intéresse les uns les autres. Vous ne pouvez pas empêcher ça, c'est le fait de vivre en société. Vous avez le droit de savoir si votre voisin a tué, après tout. Ce serait très dangereux pour vous que votre voisin soit un criminel et que vous ne le sachiez pas. Vous devez le savoir. Le journalisme part de là. D'un besoin profond que nous avons de savoir ce que les autres font. Vous imaginez vivant toute votre vie enfermé dans une pièce sans savoir ce que personne ne fait, mais vous ne pourriez pas. L'homme est un animal social. Il doit savoir, il faut qu'il sache ce que les autres font. C'est ça qui pousse les gens à lire, c'est ça qui pousse les gens à faire des journaux. Le problème qui pourrait peut-être venir, c'est celui de la charte des journalistes qui est agitée en France, il faut bien le dire, par des journalistes qui ont des mentalités de retraités. Parce qu'en réalité, le métier de journaliste est un métier qui forcément est dangereux. Le journaliste s'oppose aux idées établies, le journaliste s'oppose à tout ce qui est établi, à tout ce qui est puissant. C'est son rôle. Un journaliste, qu'est-ce qu'il fait ? Il révèle ce que des gens veulent cacher la plupart du temps, que ce soit dans le domaine de la bourse, dans le domaine de la finance, dans le domaine de la stratégie militaire. Toujours, le journaliste est contre ce qui dirige. Par office même, parce que ces gens qui dirigent ont toujours des défauts, font toujours des choses mal. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent le cacher. Le journaliste, son rôle est de le révéler. Je vous dis, un de ses rôles, son plus grand, à mon sens, qui fait sa raison d'être, en tout cas. Je ne dis pas qu'on ne mette que ça dans un journal, mais enfin, c'est sa raison d'être. Bien, si on fait une charte des journalistes, il faut faire très attention que cette charte ne soit pas pour empêcher les journalistes de révéler la vérité. Or, moi, j'ai vu toujours, chaque fois que l'on établit des chartes, c'est toujours pour limiter la liberté. Je crois que s'il faudrait une charte de journaliste, c'est au contraire dire que le journaliste est un homme libre et qu'il a le droit et qu'il est protégé, si vous voulez, comme un citoyen privilégié contre les abus du pouvoir, les exactions du pouvoir, contre les flics, contre les ministres. Voilà ce qu'il faudrait. Mais certainement pas le soumettre soit à des intérêts privés, soit à se dire il ne devra pas parler de la vie privée des hommes politiques, la vie privée des acteurs. Après tout, non, non, pas du tout. Les acteurs et les hommes politiques sont bien assez grands pour se défendre. Ce qu'il faut surtout, c'est défendre le journaliste et qu'il puisse révéler librement et avec toutes les garanties des vérités qui sont utiles au public et qui sont utiles par conséquent à la cité, puisque qu'est-ce que c'est qu'au fond la cité idéale? C'est certainement là où il y a le maximum de gens heureux, donc oui, le maximum de gens informés. Quittons l'utopie, ce bonheur aléatoire et la presse dite à sensation pour revenir en Olympie avec la presse féminine. Marie-Elbe. On m'a demandé de faire un papier sur Sylvie Vartan parce que c'est un fait que Sylvie Vartan actuellement est quand même un cas. C'est un cas d'une gamine qui, il y a 6 ans encore, était une collégienne de très modeste fortune et qui aujourd'hui est une multimillionnaire et l'égérie de toute une génération qui est un personnage phare pour les gosses de 13 ans et ça va jusqu'à 18, 20 ans. Et comme tout ça pèse beaucoup sur la vie sociale, et on sait que les jeunes actuellement ont une pression énorme, que Sylvie Vartan dans une famille ne peut pas être ignorée ni par le père ni par la mère, même quand la gamine a 13 ans, c'était en fait intéressant. Sur la personnalité même de Sylvie Vartan, je me posais quelques questions. Moi, j'avais entendu chanter Sylvie Vartan, je trouvais qu'elle n'avait pas un talent à casser les vitres. Enfin, ce qui m'intéressait, c'est de me demander pourquoi, quand même, et ce qu'était ce personnage. Enfin, à travers tous les articles qu'on lit sur Sylvie Vartan, à travers ce qu'on entend dire par les enfants, par les parents même, est un personnage qui est en même temps étrange par son destin, parce que c'est quand même un destin assez fabuleux, d'une telle réussite, parce que Sylvie Vartan chantit apparemment, comme ça, une mignonne petite fille qui chante et qui a réussi en chantant. On pourrait faire l'histoire de Sylvie Vartan comme l'espiègle Lily ou autre chose, à travers 1000 aventures et qui arrive finalement à la vie, la carrière, le mariage de Sylvie, les amours de Sylvie, Sylvie femme d'affaires, tout ça passionne les enfants. Elle ne peut pas être une rivale pour les femmes, elle ne peut pas agacer les femmes, les comme Bardot agace, alors, Bardot agace finalement. Les femmes. On ne jette pas un vieux jean usé. On recolle un livre abîmé. On regarde une photo ratée. Et on pleure sur une fleur séchée. Par amour ou par pitié. Sylvie Vartan, disait Marie-Elbe. L'égérie de toute une génération, personnage phare pour les gosses de 13 ans jusqu'à 18 ans. Sylvie Vartan, qui ne peut être ignorée par les parents. Personnage étrange par son destin, mignonne petite fille qui a réussi en chantant. Sylvie Vartan ne peut pas être une rivale pour les femmes. Elle n'agace pas les femmes, contrairement à Bardot. Mais quand Bardot se marie, cesse-t-elle d'agacer les femmes? Avant de répondre à cette question, qui du reste ne sera pas posée, informons les auditeurs d'aujourd'hui, Bardot, Brigitte, était dans l'actualité le 14 juillet 1966. France Inter, le journal d'interactualité magazine, présenté par Étienne Boujotte. Après Roger Vadim, après Jacques Charrier, voici Günther Sachs. Cet Allemand de 33 ans est devenu la nuit dernière à Las Vegas le 3e mari de Brigitte Bardot. Belle façon, en vérité, de fêter le 14 juillet. Ce 14 juillet conserve cette année son air traditionnel. Pétards et lampions, feux d'artifice et bals populaires. On a dansé hier soir et on dansera ce soir encore dans toute la France. Ce matin, le général de Gaulle et de nombreux invités ont assisté au non moins traditionnel défilé de l'étoile à la Concorde. Enfin, pour les 82 rescapés du 53e Tour de France, ce sera cet après-midi la minute de vérité, ou plutôt l'heure de vérité, sur les 50 km contre la montre de Rambouillet au Parc des Princes. Lucien Aymard devra se battre de toutes ses forces pour préserver ses 95 secondes d'avance sur le Hollandais Jan Janssen. Mais d'abord, le mariage de Bardot, Los Angeles, Robert Bardet. Il y a seulement quelques heures, Brigitte Bardot et Gunter Sachs arrivaient à Los Angeles sur un avion d'Air France qui avait 2 heures de retard. Seuls les représentants de 2 stations de télévision de Los Angeles avaient eu la patience d'attendre, et quand les journalistes ont demandé à Brigitte si elle avait l'intention de se marier, elle a répondu « Bien sûr que non, vous devriez savoir que me marier n'est pas dans mes habitudes ». Bloquée pour quelques minutes dans la petite salle de réception d'Air France à l'aéroport de Los Angeles, où Brigitte refusait de se rendre en disant « Je ne veux pas aller dans cette petite salle », Gunter essayait de répondre aux questions. Quand on lui a demandé s'il était venu pour un film, il a dit catégoriquement non. Et quand on lui a demandé s'il venait pour se marier, il a dit pas de commentaire. Brigitte, dans sa mini-jupe à fleurs, ses souliers roses, l'air un peu fatigué, se contentait de répéter « Je veux qu'on fiche la paix ». Quelques minutes plus tard, Brigitte, Gunter et leur suite s'engouffraient dans une longue Cadillac noire qui les conduisait tout simplement à un autre avion qui les emmenait immédiatement pour Las Vegas. C'est peut-être Roger Vadim qui a refilé le tuyau à Brigitte. À Vegas, c'est rapide, on se marie sans histoire et tout est terminé en 10 minutes. C'est ce qui s'est passé. 1 heure après avoir quitté l'aéroport de Los Angeles, Gunter et Brigitte étaient mariés. Mariés pour de bon au comté de Las Vegas, comme tant d'autres. Et c'était en plus une bonne blague faite à la presse américaine, persuadée qu'ils étaient partis se reposer avant de partir pour Mexico. Patrick Gilles, le proverbe se confirme donc, jamais 203. Il s'agit bien sûr de mari, non pas de compagnon de route, dont les amitiés passagères avec bébé ont souvent défrayé la chronique. Oui, Étienne Moujotte, et le moins qu'on puisse dire, c'est que notre bébé national vient de jouer un bon tour à sa façon, non seulement à la presse américaine, comme on nous l'a dit de Los Angeles, mais surtout à sa maman, Madame Mère, et bien sûr à son ex-chevalier servant, Bob Zaguri. Maintenant, que va faire Bob Zaguri? Hier encore, toute sa famille, logée à la Madrague, propriété de bébé. Les vacances sont donc finies pour cela, et on va faire les mâles. Et quant à la maman de la jeune mariée, c'est un journaliste de l'AFP qui lui a annoncé la nouvelle. Madame Bardot a déclaré « Je n'étais pas au courant, mais j'en suis ravi, et puis j'approuve entièrement ma fille, et j'espère la revoir bientôt avec son mari ». Il faut ajouter, Étienne Moujotte, que monsieur et madame Bardot sont actuellement à Saint-Tropez, dans leur villa voisine de la Madrague. Vous aimeriez peut-être avoir des détails sur ce mariage. Les seuls renseignements en notre possession, le mariage a eu lieu après minuit, l'heure de lucidité et de vérité, dit-on, et la cérémonie n'a duré que 10 petites minutes. Vous savez sans doute que Las Vegas est la seule ville au monde où les mariages se font non seulement à la chaîne, mais sous forme un peu de self-service. On vous les donne comme vous les voulez, mais il faut les payer. Les tourtereaux ont passé leur nuit de noces chez un avocat de Las Vegas. Leur lune de miel, paraît-il, sera très brève en raison de leurs obligations. L'intéressé avait son mot à dire et l'informait brièvement les auditeurs dès le lendemain, donc le 15 juillet 1966. Comment allez-vous ? Très bien. Ce mariage, il était tout de même prévu depuis pas mal de temps, non ? Depuis exactement 8 jours. Cette cérémonie en 10 minutes... Ça ne vous a pas un petit peu déçu? Je trouvais ça fantastique. Mais ça s'est passé, je vais vous dire, très très très très solennellement, même si ça n'a duré que 20 minutes. Tout le monde était très recueilli et c'était pas du tout un mariage à la carton-pâte de cinéma. Pourtant... C'était un monsieur qui venait et qui nous a mariés très sérieusement. Le voyage de noces, où comptez-vous aller le faire? Écoutez, je ne sais pas. Vous savez... Je crois qu'avec Gunter, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on ne fait pas de projet, qu'on décide de faire les choses au dernier moment. Et comme ça, quand on les fait, c'est une surprise et pour nous et pour vous. Brigitte, si je me souviens bien, vous aviez dit que vous ne vous remarieriez plus. Ben, seuls les imbéciles ne changent jamais d'avis. Le cinéma, c'est comme d'habitude ou bien vous allez, disons, espacer vos films et vous consacrer un petit peu plus à la vie de famille? Ben, je vais vous dire, pour le moment, c'est comme d'habitude. Et puis... De toute façon, j'ai jamais tourné 25 films par an, j'en ai tourné un par an. Donc, ça continuera comme ça. Si Brigitte Bardot est la femme des années 60, le grand homme, évidemment, c'est le général de Gaulle. Ses déplacements en province sont nombreux et ses voyages à l'étranger lui donnent l'occasion, au cours de discours, de remerciements, aux discours de bienvenue, de s'adresser, par définition, à ses interlocuteurs, mais aussi bien au-delà. Certains discours resteront dans l'histoire. Nous sommes en Asie du Sud-Est, le 1er septembre 1966. Eh bien, la France considère que les combats qui ravagent l'Indochine n'apportent par eux-mêmes et eux non plus aucune issue. Suivant elle, s'il est invraisemblable que l'appareil guerrier américain puisse jamais être anéanti sur place, d'autre part, il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions et quelle que soit la puissance de ses armes. Bref, si longue et dure que doivent être encore les preuves, il est certain aux yeux de la France qu'elle n'aura pas de solution militaire. Dès lors, et à moins que le monde ne roule vers la catastrophe, seul un règlement politique pourrait rétablir la paix. Comme les conditions de ce règlement sont bien claires et bien connues, on peut encore espérer, tout comme celui de 1954, l'accord aurait pour objet d'établir et de garantir la neutralité des peuples de l'Indochine et leur droit de disposer d'eux-mêmes tels qu'ils sont effectivement, et chacun étant responsable entièrement de ses propres affaires. Les contractants seraient donc les pouvoirs qui s'y exercent réellement, et parmi les autres États, tout au moins les 5 puissances mondiales. Mais la possibilité, et à plus forte raison, l'ouverture d'une aussi vaste et difficile négociation dépendrait évidemment de la décision et de l'engagement qu'auparavant aurait voulu prendre l'Amérique de rapatrier ses forces dans un délai convenable et déterminé. Sans nul doute, une telle solution n'est aujourd'hui pas mûre du tout à supposer qu'elle ne devienne jamais. Mais la France juge nécessaire d'affirmer qu'à ses yeux, il n'en existe aucune autre, à moins de condamner le monde à des malheurs grandissants. La France le dit au nom de son expérience et de son désintéressement. Elle le dit en raison de l'œuvre qu'elle a naguère accomplie dans cette région de l'Asie, des liens qu'elle y a conservés, de l'intérêt qu'elle continue de porter au peuple qui l'habite et dont elle sait qu'il le lui rende bien. Elle le dit à cause de l'amitié exceptionnelle et deux fois séculaire qu'elle a pour l'Amérique, de l'idée qu'elle s'en fait depuis longtemps et que celle-ci se fait d'elle-même, à savoir celle d'une nation champion de la conception suivant laquelle il faut laisser chaque peuple disposer à sa façon de son propre destin. Elle le dit compte tenu des avertissements que Paris a multiplié à l'égard de Washington quand rien n'avait encore été accompli d'irréparable. Elle le dit avec la conviction qu'au degré de puissance, de richesse, de rayonnement auquel sont actuellement parvenus les États-Unis, le fait de renoncer à leur tour à une expédition lointaine qui apparaît sans bénéfice et sans justification et de lui préférer un arrangement international organisant la paix et le développement dans cette importante région du monde n'aurait rien qui puisse blesser leur fierté, contrarier leur idéal et nuire à leurs intérêts. Au contraire, si les États-Unis prenaient cette voie conforme au génie de l'Occident, quelle audience recouvrerait-il d'un bout à l'autre du monde et quelle chance recouvrerait la paix sur place et partout ailleurs? En tout cas, sauf à en venir là, aucune médiation n'offre ni n'offrira aucune perspective. Et c'est pourquoi la France, pour sa part, n'en a jamais proposé et n'en propose aucune. Où donc, mieux qu'à Phnom Penh, aurais-je pu formuler cette espérance et cette attitude, puisque ce sont aussi celles du Cambodge, puisque ce royaume, au milieu de l'Indochine déchirée, apparaît comme un modèle d'unité et d'indépendance, puisque l'active amitié de nos gouvernements et de nos peuples est aujourd'hui plus vivante que jamais, puisqu'en voici la preuve inoubliable. Tiayo Kampucha. Extrait du discours du général de Gaulle le 1er septembre 1966 à Phnom Penh. C'était les années 60, 1966, quatrième émission, 1966, une bonne année pour le cinéma français, une bonne année pour le cinéma international, une bonne année pour les films étrangers en France. Du cinéma de divertissement, bien sûr, mais aussi des films dont les scénarios répondent aux préoccupations de la société. S'il est un sujet que l'on peut qualifier d'actualité, c'est bien la régulation des naissances. Il n'y a pas de jour où l'on ne voit dans la première page, à la première page des journaux, des articles sur ce thème qui s'est également emparé du cinéma, ou bien le cinéma plutôt s'est emparé de lui aussi. Oui, puisqu'il y a deux films qui sont sortis cette semaine, deux films qui sont sortis sur ce sujet. Et ces deux films, Monique Berger, vous les avez vus tous les deux. Oui. Le premier, c'est Le nouveau journal d'une femme en blanc. Le second, Un monde nouveau. Le nouveau journal d'une femme en blanc est réalisé par Autant Laral après le livre d'André Soubiran, dialogué par Jean Orange. Cette seconde femme en blanc ne vit pas, comme la première, un drame personnel. Mais le problème se pose pour elle, femme Bensa. Doit-elle ou non opérer une jeune institutrice qui attend un enfant et qui a-t-il tout lieu de craindre que son bébé naisse difforme? L'essentiel du film réside dans la propagande courageuse entreprise par Autant Lara pour que soit établi à jamais le contrôle des naissances. C'est un film qui est du reste plus vraiment une plaidoirie qu'une œuvre de cinéma. Il en va de même, je crois, pour Un monde nouveau de Vittorio De Sica d'après un scénario de Cesare Zavattini. Même sujet, même plaidoirie abordée sous un autre angle. Ici, une étudiante en médecine, une très jeune fille, rencontre un jeune photographe au bal de l'internat. coup de foudre instantané. Résultat aussi immédiat, l'étudiante attend un bébé. Situation infiniment banale, direz-vous. Mais Vittorio De Sica étudie les problèmes qui assaillent ce jeune couple au début de sa vie. Y a-t-il place au milieu d'eux et dans le monde du reste pour un petit enfant ? Christine Delaroche, révélée par Belphégor, je crois que vous l'avez eu longuement en Les Voix 5 heures, ainsi que son partenaire Nino Castelnuovo, oui. Révélée par les Parapluies de Cherbourg. Tous les deux sont jeunes, ils font merveille à voir, ils jouent bien, très bien, et avec beaucoup de présence, les rôles des deux jeunes gens. Un film beaucoup moins sérieux, je pense, Monique, c'est Le Cher Disparu, c'est une affaire de cercueil, ça. Ah, Le Cher Disparu est un film d'humour très très noir de Tony Richardson, l'auteur du fameux Tom Jones. C'est une cinglante satire de la vie, mais surtout de la mort américaine. Tout le film, du reste, se situe dans le fameux cimetière de Los Angeles, extravagant cimetière où l'on trouve les bosquets murmurants, les terrasses de Crésus pour y enterrer les milliardaires, les parcs romantiques pour enterrer les amoureux, les fontaines, des cascades, des statues d'hommes illustres et des fleurs infiniment rares. La vente, par exemple, et le choix des cercueils, présentés par de très jolies filles, voilées de noir, mais savamment décolletées, est tout de même un spectacle inénarrable. On vend des cercueils capitonnés de soie avec chauffage intérieur, où on se sentira vraiment très très bien pour l'éternité. Spectacle insolite qui se termine par un mariage entre la première dame embaumeuse et un jeune Anglais venu pour enterrer son oncle. En somme, on peut dire que le cercueil tient la vedette du cinéma, puisque actuellement Monnaie de singe avec Robert Hirsch a également pour vedette principale une bière. Exactement, mais quelle culture cinématographique, Michel Texier. Et pour une poignée de dollars, c'est un western italien, je crois. Oui, il était tout de même tourné par un Américain, c'est un western stylisé, réglé comme un ballet et un super pastiche. Le héros du film est un tireur d'élite qui tue en faveur de je ne sais quelle mystique, à seule fin de départager, semble-t-il, les bons et les méchants. Une fois étendu par ses soins sur le sable, bien entendu. C'est un bon film, avec de bonnes chevauchées. C'est un film qui présente pour la première fois un jeune premier qui s'appelle East Clinwood, qui a 1m90, des yeux verts très clairs, et dont on reparlera beaucoup, puisqu'il tourne déjà à Rome avec Vittorio De Sica. C'est un film en couleur. C'est un film en couleur et un bon film dans le genre. Petite précision, le western italien cité est donc italien, mais nous le savons aujourd'hui, le réalisateur américain Bob Robertson n'était autre que Sergio Leone. Quant à East Clinwood, on a en effet reparlé de lui, mais sous son nom correctement prononcé. Et le cinéma français. En 1966, il était temps que ce film sorte en salle. Nous étions en décembre. Sinon, il nous eût fallu attendre une émission consacrée à l'année 1967. Mais nous sommes impatients et grâce à l'émission Cinéma Vérité diffusée sur France Culture le 17 décembre, nous allons découvrir comment on parlait de ce film à l'époque. Depuis une semaine, un orage, comme il en a peu connu, secoue le cinéma français. Un film mobilise la grande foule et dans les salles où on le projette, déchaîne des tempêtes joyeuses. Il s'agit de La Grande Vadrouille, réalisée par Gérard Houry et interprétée par Bourvil et Louis de Funès. Il y a un cas Louis de Funès, et nous y reviendrons un jour. Dès qu'il apparaît sur l'écran, quoi qu'il fasse, le public rit aux larmes. C'est l'un des phénomènes les plus remarquables du cinéma français actuel. La Grande Vadrouille, malgré ce titre un peu lourd et regrettable, n'est jamais vulgaire. C'est une sorte de vaudeville cinématographique à tiroir, agencé comme une comédie de Feydeau, propulsée par une cascade de gags et surtout entraînée par ces deux acteurs incomparables que sont Bourvil et De Funès. Le film n'est pas très bavard, il n'offre donc pas une matière très riche pour la radio. Pourtant, nous avons tenu à vous en présenter quelques extraits afin de montrer que l'efficacité comique des deux comédiens passe aussi sur les ondes. L'action se déroule pendant l'occupation. Un avion anglais est abattu par la DCA allemande au-dessus de Paris. L'équipage saute en parachute et, avant d'abandonner l'appareil, le commandant de bord donne ses instructions. « Si nous parvenons à échapper aux Allemands, dit-il, rendez-vous au bain turc de la mosquée. Signe de ralliement, la chanson « Tea for Two ». L'un des pilotes, Alan McIntosh, tombe sur les toits de l'Opéra de Paris et est pris en chasse par la police nazie qui interrompt une répétition de l'orchestre dirigée par le grand chef Stanislas Lefort. Celui-ci, furieux, se retire dans sa loge, y découvre McIntosh et, lorsque la police allemande fait irruption, fait passer l'aviateur britannique pour un élève à qui il donne une leçon. Près de Louis de Funès, qui est Stanislas Lefort, Mike Marshall et McIntosh, et Benno Sterzenbach, le feldgendarme allemand. Entrez ! Alors, rendez-vous maintenant. Non. Plus les oiseaux. Bon sang ! Non, remontez, en montant. Qu'est-ce qu'il y a, quoi ? Pardon ! Oui. Pour cette fois, je n'aurai pas la musique. Continuez. Alors cette fois-ci, c'est moi qui l'arrête. Qu'est-ce que vous cherchez ? Toujours votre anglais ? C'est pas moi ! Nein. C'est pas lui ! Nein. Venez avec moi. Allez, venez. Non, mais venez là, tenez. Il est pas là. Boots. Bon. Là, il est pas là. Je vois assez bien. Tenez, Edouard. Là. Non. Il est pas là, là. Calmez-vous, Herr Kapellmeister. Thank you so much, sir. Ah! Maintenant, on va reprendre la leçon numéro 4. Ah! Voyons. Sir, there's something I'm... Non, je ne veux pas qu'on parle, surtout qu'on parle. Sir, on se tait. On prend le tabouret et on vient là. Nous allons faire un peu de solfège. Let me talk. You must go to the Turkish bath. Il faut que j'aille au bain turc. My name is McIntosh. Me, McIntosh. Vous, McIntosh, oui, oui. And the signal is T for two. Le signal, oui. Non, attendez, ne sifflez pas ça, enfin. He's an American song. Yes. Va se faire bâtonner ici. Non, c'est, alors c'est... Non, explique, attendez. If I go to the Turkish bath, I risk énormément. Yes. But if you go out, si vous sortez, the Germans, les Allemands qui sont là, ils vont vous attraper, puis vous allez parler, et moi, I risk encore plus. Yes. Donc, I risk on the deux tableaux. Yes. Mais enfin, vous dites toujours yes. Yes. Ben oui. Alors, écoutez, do you promise me que if I bring ici the big moustache, you partez avec lui? Yes. Mais définitivement. Yes. Bon. Alors, I accept to go to the Turkish bath, I accept the moustache, I accept tout, et puis you, attendez, you go là-dedans, là-dedans, immediately, voilà, don't move, no. J'en reviens, I come back, wait and see, please. Ces parachutistes tombés du ciel n'auront pas troublé que la vie du chef d'orchestre Lefort. Un peintre en bâtiment, Augustin Bouvet, verra lui aussi son existence bouleversée parce qu'un des aviateurs, Peter Cunningham, est tombé sur son échafaudage. Après d'innombrables péripéties tragicomiques, Stanislas et Augustin, qui ont fait connaissance, entreprennent de faire passer les aviateurs en zone libre. Leur mésaventure les amène à Meursault, à l'hôtel du Globe, tenu par Ginette, fiancée d'Augustin, et sa mère, Germaine, toutes les deux complices pour protéger les Anglais et leurs convoyeurs recherchés eux aussi par la Gestapo. La patronne du Globe n'a plus qu'une chambre pour loger Stanislas et Augustin. Aux côtés de Louis de Funès et de Bourville, Marie Dubois et Ginette, Colette Brosset, sa mère. C'est ici, le numéro 6. Je suis désolée, messieurs, mais il va falloir que vous couchiez dans le même lit. C'est pas possible. Si. Dans le même lit? En temps de guerre, vous savez... Fichez-moi la peine. Mais ça fait partie des horreurs de la guerre, ça. Fichez-moi la peine, je vous dis. Toi. Vous mettez? Mettez-vous là. Oui. Vous, Augustin, aidez-moi. Avec plaisir, Juliette. On perdait l'espoir de vous voir arriver. La région est passée au peigne fin. Tout est bouclé, ratissé. C'est sans doute à cause de l'arrestation de Peter. Oh, Peter a arrêté. C'est terrible, ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Demain, à l'aube. Je vous fais passer en zone libre par ma filière. Et vous y retrouverez vos amis anglais. Bonsoir. Prenez des forces. Vous dormirez bien, je suis très à cheval sur la literie. Venez, voyons. Je ne pourrais jamais m'y faire, moi. Mais si, allez, faites pas de soucis. Ah, vous êtes bien le petit Stanislas, hein? Écoutez, je vous en prie, hein. Rabattez-moi. Pardon. Vous n'êtes pas marié, vous? Non. Moi non plus. Mais Ça va pas tarder, hein. Parce que Juliette... La guerre a du bon, et vous? À propos, oui. Je voulais vous demander, comment vous me trouvez physiquement? Non, il est tard, il faut dormir, hein. Allons. Bon. Allez, bonne nuit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je ronfle. Mais c'est rien, vous n'aurez qu'à siffler, je m'arrêterai, hein. Mais je vais pas siffler toute la nuit, non? Enfin, autre exemple du numéro Bourvil de Funès, l'interrogatoire auquel les soumet le redoutable major allemand Harbard, car les deux complices ont été arrêtés par les feldgendarmes. Monsieur Lefort! Monsieur Bouvet! Quelle bonne surprise! Par ici, monsieur. Par ici, monsieur! Les Anglais sont là, il faut gagner du temps. Herr Kapellmeister, pour cette fois, c'est moi qui tiens la baguette. Et c'est vous qui allez chanter. 12 balles pour vous, 12 balles pour vous, 24 balles. Quel gâchis pour des gens comme vous. Qui vous a donné ces chiens? Qui vous a procuré ces uniformes? Qui sont vos complices? Assez tremblé! Monsieur le commissaire. Je suis pas commissaire! Je suis major Harbach. Moi, monsieur le major, je vais gagner du temps. On ne va pas perdre de temps. Je vais tout vous dire. À la bonne heure, vous devenez raisonnable, Kapellmeister. Alors? Alors, voilà, j'avais rendez-vous le lundi 15 novembre. Excusez-moi. Peter. Alors, j'avais rendez-vous le 15 novembre avec le commandant Jean-Pierre, qui en réalité est le sergent Henri, et de son vrai nom, Maréchal. Il s'appelle Maréchal. Il y a une petite erreur, Major Harbach. C'était pas un lundi. Quoi? C'était un dimanche. Oui, c'est vrai, oui. Et d'une. Et c'était pas en novembre, puisque c'était en janvier. Voilà. Et le dénommé Henri ne s'appelait pas encore Maréchal? Non. Mais moi, je suis né en 14, moi. Oui, c'était la Grande Guerre. Bah oui, c'était la Grande Guerre. La Grande Guerre. 4 ans. 4 ans, du coup. Quatre ans. Qui est ce maréchal? Je ne sais plus, parce qu'il m'interrompt tout le temps. Il tousse, il crache sur Nice, et il tousse, il crache sur Nice. Voilà. Non, mais rappelez-vous. Oui, attendez. C'était Place des Victoires. Oui. Juste en face de la statue de Louis XIV. Vous avez vu une statue de Louis XIV, vous? Oui. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Ben parce qu'à cette époque-là, les Allemands avaient déjà enlevé toutes les statues. Vous avez enlevé les statues? Oui, il va falloir lui sérieux. Qui voit les choses donc, Fankhoffen? Rappelez-moi, vous osez vous foutre? Je sais qu'il me manque 2 aviateurs anglais. Combien? 2. Oh, ça fait pas tellement. Vous savez où ils sont. Et moi, je sais qu'ils ne sont pas loin. En dépit de ces innombrables aventures, tout se terminera bien pour Augustin, pour Stanislas et pour les aviateurs anglais. Il ne reste plus qu'à attendre le jour prochain où il n'y aura plus en France de zones libres et de zones occupées, où Stanislas rendu à son orchestre, Augustin à ses pots de peinture, pourront se dire que la grande vadrouille, c'était le bon temps. Cinéma, vérité. C'était une émission de Roger Régent avec la collaboration de Jacqueline Adler. Lecteur, Robert Martin. Assistante de réalisation, Michel Thierry. C'était les années 60, aujourd'hui 1966, quatrième émission. Archivina, Hervé Evano, une émission de Philippe Garbi, réalisation Virginie Mourté. À suivre, et d'ici là à télécharger ainsi que les précédentes émissions de la série, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.